Chapitre 18e. Retour au jeudi 15 juillet. Brossard revient de chez Maxime très dubitatif. Il éprouve un penchant naturel pour ce jeune homme qu'il considère un peu comme son petit frère, lui qui n'a plus de famille. Il lui accorde sans réserve le bénéfice du doute. Comme lui, Maxime a perdu son père tout jeune, mais tout de même. Ses explications ne satisfont pas Brossard pour la mort de Marie Bréau. Comment comprendre qu'il n'a pas écrit ce billet sous la contrainte? Qui d'autre que Maxime avait intérêt à la mort de cette femme? Véritablement, ce point reste un mystère qui ne peut s'expliquer que si Maxime est l'assassin. D'un autre côté, le garçon avait l'air sincère, et si le seul crime qu'il a commis est le meurtre de son frère, est-ce que cela mérite des années de bagne, voire la peine capitale? Tout à l'heure, devant la grange, il s'est fait un serment, ne rien dire, quoi qu'il advienne. Il va tenir cette promesse et va essayer de noyer le poisson près de Trinquier. Auparavant, il passe chez lui voir Mireille. Il a pris l'habitude de tout lui dire et va donc lui raconter son entretien, lui demander conseil. Que ferait-elle à sa place? Mireille est devant son fourneau, tablier noué. Il s'approche et dépose un baiser sur sa nuque. « Ouh, tu fais des frissons. Tu as senti l'odeur des artichauts à marigoules que tu arrives juste pour te mettre les pieds sous la table? Mais non, ma chérie, c'est pas ton estouffade qui m'a fait venir. C'est que j'avais été trop longtemps éloigné de toi. Allez, te fatigue pas, mais plutôt la table. Évidemment, tu as oublié le pain. On en mangera du dur, tu sais, j'ai l'habitude. Oui, mais pas moi. Tu pourras au moins faire ça, quand même. » « Oui, ma chérie. Tiens, tu as reçu un télégramme de l'académie. Regarde sur la table. » Adrien décachète le billet bleu et le lit rapidement. « Je suis convoqué demain à Marseille par l'inspecteur d'académie pour affaires me concernant. On va bien voir ce qu'il me dit, l'inspecteur. » Tout en mangeant, Adrien résume son entretien avec Maxime. « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ? Moi, je ferais le canard. J'attendrai. » « Tu attendrais quoi ? J'attendrai que Maxime soit parti. Voilà. » De toute façon, la mort de Marcel Agnel est une affaire classée puisque c'est un accident. Idem pour la mort de la maîtresse, c'est aussi un accident. Quant à l'affaire des Bréau, Maxime t'a dit qu'il n'y était pour rien. Oui, mais il y a ce billet qui pose problème. Il ne s'explique que si la mère Bréau a réellement été assassinée. Quand bien même, ça n'accuse pas forcément Maxime. Oh, je ne vois pas qui d'autre aurait pu... Et si la mère Bréau avait fait exprès pour foutre le pâti, ça ne te vient pas à l'idée? Tu rigoles, ce serait machiavélique. Non, allez, c'est un mystère. En tout cas, ce n'est pas à toi de l'élucider. Allez, mange mes artichauts. L'après-midi, Trinquier vient à la mairie pour savoir ce qu'Adrien a pu apprendre. Ils passent tous deux dans un petit bureau situé sur l'arrière du bâtiment. Alors, vous l'avez vu, il vous a parlé? Oui, mais il persiste à dire que pour les Bréau, il n'y est pour rien. Ce n'est pas possible. Il a certainement forcé la mère Bréau à écrire ce billet. Vous n'avez aucune preuve contre lui, et si c'était quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Vous n'allez tout de même pas envoyer à la mort un homme juste sur des présomptions. Ouais, mais vous expliquerez ça au juge Moretti. Mais il n'a pas autant d'état d'âme. Ce sont les jurés qui décideront. Non, pas si vous ne dites rien. Laissez pourrir l'affaire. Il va encore me tarabuster, Moretti. Vous merdoyez, Trinquier, vous merdoyez. C'est tout ce qu'il sait dire. Comme si lui ne merdoyait pas aussi. Maxime a fait venir un de ses cousins pour l'aider à l'exploitation. Je pense que maintenant que son frère n'est plus là, il va vouloir moderniser la ferme. Demi-mensonge destiné à endormir les craintes possibles de Trinquier au cas où il voudrait brusquer une arrestation. C'est ce billet qui fout tout en l'air, reprend Trinquier. C'est ce détail que ne va pas vouloir gober Moretti. Eh bien, laissez-lui trouver une raison, ou au moins émettre une hypothèse. Oui. Oh, et puis je m'en fous. Dans 2 mois, je suis rayé des cadres. Alors ? Vendredi 16 juillet. Adrien descend de l'autocar de Marseille. Il prend ensuite le tramway pour la place Castellane. De là, il se rend en rue Sylvabel, dans les locaux de l'inspection académique. Un mistral à décorner les bœufs souffle sur la ville, nettoyant les rues et assainissant l'atmosphère. Au cabinet de l'inspecteur d'académie, on lui demande son nom et la raison de sa visite. Patientez quelques instants, monsieur l'inspecteur va vous recevoir. L'inspecteur ouvre la porte pour faire entrer Adrien dans son bureau. C'est un homme petit, falot, qui lui perd son sourire dans les couloirs d'une autre académie. Il s'assoit à son bureau, laissant Adrien planté au milieu de la pièce. « Je vous ai fait venir, Brossard, parce que j'ai eu une réponse du ministère au sujet de votre cas. Voilà, vous êtes réintégré dans les cadres, avec rattrapage de votre ancienneté. J'espère que vous êtes content. »« Oh oui, monsieur l'inspecteur. » L'autre ne s'aperçoit même pas du ton ironique d'Adrien. « Et ce n'est pas tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous allez toucher un pactole équivalent à 4 années de salaire. Qu'en pensez-vous, hein ? Je pense, monsieur l'inspecteur d'académie, que c'est ce que l'État me devait. Vous devriez vous montrer reconnaissant, Brossard. Oui, monsieur l'inspecteur, je suis reconnaissant à l'État de m'avoir fait passer 4 ans inoubliables en Guyane et de m'avoir permis de mettre de l'argent de côté. L'inspecteur ne relève même pas le trait perdu qu'il est dans l'importance de sa charge. En revanche, pour votre poste, nous n'avons rien pu faire. Dernier, qui a pris votre place, a été nommé régulièrement sur un poste vacant. Le déplacé ferait monter les syndicats au créneau. Je comprends, monsieur l'inspecteur. Le mouvement des postes a déjà eu lieu, mais j'ai quelque chose à vous proposer. Je vous écoute, monsieur l'inspecteur. Voilà. Mon collègue d'Alger m'a informé qu'il cherchait quelqu'un pour prendre la direction d'un cours complémentaire, à Guyauville, pas très loin d'Alger. C'est une petite ville charmante, au bord de la mer. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi pas ? J'ai l'habitude de la chaleur, monsieur l'inspecteur, mais je ne suis pas tout seul. Vous êtes marié ? Oui, depuis peu. Votre épouse travaille ? Elle est sage-femme. Parfait, quel bagage a-t-elle ? Le brevet élémentaire et son diplôme, monsieur l'inspecteur. Eh bien, mais c'est parfait. On lui trouve un poste avec vous là-bas. Ils ont besoin de monde. Vous allez voir, l'Algérie est un pays formidable, en pleine expansion. Oui, monsieur l'inspecteur. J'attends votre réponse lundi, sans faute, par télégramme. Nous préparerons votre dossier, et vous pourrez ainsi commencer à la rentrée d'octobre. Merci, monsieur l'inspecteur. Arrêtez de me remercier, Brossard, et réfléchissez. C'est une belle opportunité. De nouveau, Adrien se trouve ballotté par le mistral qui l'empêche de réfléchir. Dans une librairie de la rue de Rome, il achète un livre illustré de photos sur l'Algérie, Panorama d'Alger. Au carrefour de la Canebière, une main s'abat sur son épaule. Une grosse voix lui glisse dans l'oreille. « Mon petit Brossard, vous me ferez 15 pains pour méditer sur le respect que vous devez à vos supérieurs. » En face d'Adrien se tient un homme corpulent et jovial, dont la mise et l'allure dénotent une aisance certaine. « Favoui, nom de Dieu, c'est toi !»« Eh oui, la brosse, c'est moi. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te revoir !» Georges Favier est un copain de régiment surnommé Favoui, en raison de sa façon de se déplacer en crabe quand il avait bu un coup de trop. Quant à Brossard, on l'appelait la brosse, car il était toujours en train de faire briller ses brodequins. « Alors Adrien, qu'est-ce que tu deviens ?»« J'ai suivi ton affaire dans les journaux. Quelle honte, la justice française. Moi, à ta place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Ça a dû être dur là-bas. Comment tu fais pour tenir le coup ? Je me suis accroché à la vie quand j'ai compris qu'ils étaient sourds à mes protestations d'innocence. Mais toi, à ce que je vois, tu n'as pas dû faire la grève de la faim pour faire valoir ta cause. Justement, en parlant de faim, on déjeune ensemble, hein ? Ne dis pas non. Je connais bon petit caboulot sur le port. Attablé à l'ombre, devant un plateau d'huîtres, de moules, de violets et d'oursins, les deux copains se racontent leur vie. De temps à autre, une beauté fatale et facile leur lance des œillades. Ils sourient en jaugeant la fraîcheur de la marchandise. « Alors Georges, ça a l'air de marcher pour toi. »« Mon cher, je suis inspecteur général d'assurance. Voiture, costard, belle-vie et tout le toutim. »« Je suppose que tu dois te farcir tous les départements du sud de la France. »« Du sud ?»« Oui, du sud, du grand sud même, tu veux dire. »« Tiens, passe-moi ton bouquin. Je vais te montrer où je vais. » Adrien, surpris, étend son livre à son copain. Georges feuillette le livre. Je vais là, tu vois, et là, enfin, dans presque tout ton bouquin. Je ne suis que de passage à Marseille pour remettre des dossiers importants. C'est drôle ça, alors. Adrien lui raconte alors la proposition que l'inspecteur d'académie lui a faite. Il ne faut surtout pas laisser passer cette chance, Adrien. Guyauville est une bourgade charmante. Je connais personnellement le maire, qui est un de mes clients. Si tu acceptes, je te préparerai le terrain et tu seras reçu comme un roi. « Moi, j'habite Alger, sur les hauteurs. De ma villa, je vois toute la baie, si tu voyais comme c'est beau. » Adrien lui fait part de ses interrogations concernant la vie quotidienne, les relations avec la population indigène, les conditions sanitaires. Favoui lève les bras au ciel, comme s'il venait d'entendre une énormité. « Ici, c'est tous des imbéciles. Ils s'imaginent qu'on se déplace à dos de chameau, avec une armée d'esclaves à nos pieds, et qu'on finit dévoré par les lions. Et que toutes les moqueurs nous font la danse du ventre. Quels abrutis !» Mais c'est comment alors ? C'est comme ici, mais mieux qu'ici. Regarde ton bouquin. Il y a des routes, des immeubles, des cinémas, des voitures, des trains. Enfin tout, quoi. Bien sûr, dans le bled, c'est un peu différent. Mais là où tu vas aller, je t'assure que ça va te changer de ta cambrousse de lambesque. Et puis les gens ont une mentalité différente. Tu n'es pas jugé sur ton passé, tes origines, mais sur ce que tu es et sur ce que tu sais faire. Ton histoire n'intéressera personne. Il y a des tas de gens qui ont dû s'expatrier comme toi pour une foule de raisons. Des Espagnols, des Italiens, des Alsaciens, des Bretons, des Parisiens qui crevaient la faim. On travaille dur. Moi, tu vois, je peux dire que je gagne mon pain à la sueur de mon front. Mais on sait profiter de chaque minute qui passe, de chaque rayon de soleil. On ne se pose pas de questions existentielles. La plupart des gens ont une vie simple parce que ce sont des gens simples. Adrien lui fait part de son rappel de salaire qui doit tomber à la rentrée. « Avec ça, mon fils, tu vas pouvoir t'acheter un cabanon et une pastera. Tu verras, on ira à la pêche tous les dimanches. À Guyauville, les gens sont surtout des pêcheurs et des maraîchers. Il y a aussi des vignerons. » Flavien lui donne sa carte et lui fait promettre de lui télégraphier la date et l'heure de son arrivée afin qu'il vienne le chercher avec son épouse. Dans le car, il feuillette le livre et découvre une vue de Guyauville. C'est vrai que cette petite ville est au bord de la mer et qu'elle est toute plate. Dans le port, on aperçoit tout un tas de petits bateaux qui ressemblent à des pointus. Lorsqu'il descend du car, il ressent tout à coup un sentiment bizarre. Il regarde tout autour de lui et ses vieux murs, ses ruelles, lui paraissent un décor désuet, au sein duquel il étouffe et ne reconnaît pas son identité. Il n'y a que Mireille qui l'attache à ce village. Sinon, rien ne le pousse plus à faire sienne cette terre. Il l'avait déjà compris en descendant du bateau à Marseille. Maintenant, l'espoir d'un ailleurs et d'un autrement rend ses pas légers et son esprit apaisé. Dès le seuil de la maison, il entreprend avec enthousiasme de mettre Mireille au courant de sa journée. « J'en ai à te raconter, mon ange, j'écoute. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. » « Non, moi d'abord, » dit-il en riant. Adrien raconte toute sa matinée. Mireille l'écoute attentivement et demande deux ou trois précisions concernant son poste éventuel et la façon dont ils seront hébergés. « Tu crois que je saurais enseigner, Adrien ? Je préférais former des infirmières ou des sages-femmes, c'est plus dans mes cordes. »« Écoute, on verra sur place. Alors, qu'est-ce que tu en dis ?» Mireille baisse la tête et garde le silence. Puis au bout de quelques secondes, toujours la tête baissée, elle murmure. J'en dis que notre enfant en naîtra là-bas. Elle relève brusquement la tête, radieuse. Merci. Bredouille Adrien, les larmes aux yeux en la prenant dans ses bras. On l'appellera Claude. Comme ça, que ce soit une fille ou un garçon, il n'y aura pas de problème. On ne sera pas déçus. Leur décision est prise. En l'espace de quelques heures, leurs deux vies ont donc pris un cours nouveau.